بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أي فراق أخذنا في الدرس الماضي بل غلاة الجهمية وكرامطة وتجيب بدون كتاب ما هي طريقتهم في الأسماء والصفات C'est quoi leur mazhab? Une particularité, on cite Hum yunfouna l'ithbat wa yuthbituna an-nafi. Yani la yasifuna Allah illa bin nafi. Ils ne décrivent Allah que par la négation. Et en plus, quel genre de négation? Une négation qui n'implique pas une affirmation opposée. Parce que ça, c'est le fork avec la firka qu'on va prendre aujourd'hui. Taïb. قال المؤلف فصل الطائفة الرابعة غلاة من الفلاسفة والجهمية والكرامطة والباطنية وغيرهم. Donc là, c'est quatrième catégorie. Ce sont les exagérateurs extrêmes parmi les philosophes des Jahmiya, des Karamita, des Batiniya. Ceux qui ont été encore plus loin que les autres. Et eux, ceux-là, ce sont les Kuffar, Kazalik. Et c'est un fikr extrême qu'ils ont. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas des gens comme ça, ça porte à l'islam, parler comme ça, Allah Alam. À l'époque de Shir Islam, il y en avait. Aujourd'hui, j'en ai pas entendu parler qu'il y ait des gens qui s'apportent à l'islam et qui parlent de la sorte. La tembi, dans ce force-là, il y aura deux parties. Je ne serai pas en mesure ni de te les expliquer, ni de les traduire, donc on les passera. Car c'est un kalem vraiment, yani, c'est une réponse à une pensée extrême qui dépasse l'absurdité, que même les chrétiens n'ont pas, tu vois. D'ailleurs, je pense pas que tu auras affaire à des gens qui parlent comme ça. Donc là, ben, ce qu'on passe, pour pas non plus s'empêtrer et dire ce qu'on ne sait pas. Le kalem du mot livre, déjà dans mon livre, j'ai remarqué que j'ai des différences avec le tien, j'ai des erreurs d'édition. Et malgré tout, même en enlevant les erreurs d'édition, le kalem, j'arrive pas à pouvoir te le centrer et de pouvoir le retraduire. De toute façon, c'est des chouboîtes que, comme je t'ai expliqué, je pense pas que tu vas trouver. À part dans le livre des philosophes, et ça, t'as pas à lire là-dedans à la base, on n'a pas à lire là-dedans. Donc, Inch'Allah, nastanien dhalik. On va prendre le reste. Connaître cela, si tu le connais, alhamdoulilah, c'est une faïda. Si tu ne connais pas, ça ne te lui rien du tout de ne pas savoir cela. قال وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي. Ils ont renié les deux. إثبات et النفي. Contrairement à ce Jahmiya, Ghurat Jahmiya, on a dit quoi? Eux, ils décrivent Allah par le nafi. Eux, ni إثبات, ni نفي. Quand je dis ce genre d'afkar, je ne sais pas si tu vas les trouver maintenant, des gens qui parlent comme ça, qui s'apparentent à l'islam. Maintenant, chez les koufars, tu vas trouver des philosophes qui parlent pour rien, qui n'ont rien à dire, qui aiment tout décrire. Eux, tu vas trouver ça. Mais eux, on ne parle même pas avec eux aujourd'hui. فَنَفُوا عَنْهُ الْوُجُودُ وَالْعَدَمُ وَالْحَيَاةِ وَالْمَوْتُ وَالْعِلْمُ وَالْجَهْلُ وَنَحْوِهِمَا وَقَالُوا إِنَّهُ لَا مُوجُودُ وَلَا مَعْدُمُ وَلَا حَيِّ وَلَا مَيِّتُ وَلَا عَلِمُ وَلَا جَاهِلُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Donc eux, ils sont partis très loin en disant qu'il n'est ni présent, ni existant, on va dire. C'est ni une présence, ni du néant, ni une vie, ni une mort, ni de la science, ni de l'ignorance, ni de la science, ni de l'ignorance. Ils ont dit que il n'est pas présent, sans être absent, il n'est pas vivant, il n'est pas mort, il n'est pas savant, il n'est pas ignorant, rien de valable. Donc quelqu'un qui te parle comme ça aujourd'hui, je ne sais pas comment tu réagis devant lui. Si jamais tu réagis. Là, c'est Mbeb, bien Irad Alayhim, parce qu'à l'époque de Cheikh Islam, des gens parlaient comme ça ou quoi. Aujourd'hui, des gens comme ça, tu ne parles même pas avec eux. وشبهتهم أنهم يعتقدوا أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. C'est ça leur chouette, que si jamais ils le décrivent avec l'affirmation, ils se battent, ils le font ressembler aux choses existantes. c'est-à-dire les makhloukat. Si jamais ils le décrivent avec le nafi, ils vont ressembler à quoi? Aux choses inexistantes, au néant. Donc ça, c'est exagération extrême. ورد عليهم من وجوه. Différentes façons de leur répondre. On ne va pas prendre toutes les réponses. بعدها. الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه. Donc ça, on l'a déjà dit. Parce que Allah, comment il s'est nommé et ce qui s'est attribué, n'implique pas une ressemblance. فإن الاشتراك في الاسم والصفات لا يستلزم تماثيل المسميات والموصوفات. On l'a dit que le fait que les noms soient communs, ainsi que les attributs en créateur et la créature, et même entre les créatures entre elles, ça n'implique pas une ressemblance. وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها. تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. Et que le fait que vous appelez cela comme étant du tashbih pour vous, cela, de votre part, c'est juste du talbis et du camouflage. Vous voulez cacher quelque chose sur les ignorants et les gens de la masse. Alors, قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبتل أن يسمي شيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. Car si jamais on se permettait d'accepter ce genre de prétention totalement fausse, toute personne, tout adepte du faux se permettrait d'appeler les choses véridiques par ce qu'il veut, faire fuir les gens de ces vérités. C'est-à-dire, demain, tu prends n'importe quelle chose, tu l'appelles comme toi tu veux, pour faire fuir les gens. Par exemple, tu vas prendre, je sais pas moi, un verre d'eau, tu vas l'appeler poison, ou pas quelque chose en boive. Hein? Alors, tout le monde peut faire ce qu'il veut après. Donc, c'est ça qui veut en venir. Que vous appelez ça tashbih, mais en fait, vous l'appelez au kouf, c'est tout. Votre cause, c'est d'appeler au kouf. Et vous faites croire que nous, non, nous juste, on a peur de faire ressembler à Allah la création. Athani, ana wa qad ulima mi bi darurat al-aqli wal-hissi an al-mawjud al-mumkin labud lahu min mujid wajib al-wujud. Donc la raison, l'évidence de la raison, du constat que toute chose qui est présente, dont la présence est possible, c'est obligatoire qu'il y ait une chose qui l'ait rendue présente. Et que cette chose qui l'a rendue présente, sa présence, elle, soit obligatoire. Yani, une chose qui est présente, même si elle ne l'est pas, mais dont la présence est possible, elle a forcément quelque chose qu'il a mis en place. Et cette chose qu'il a mis en place doit, elle, forcément exister. Attendez, parce que là, pas de problème. Tu vois le genre de réponse qu'il faut donner à ces gens-là? Non. فَإِنَّنَا نَعْلَمُ حُدُوثَ الْمُحْدَثَاتِ وَنُشَاهِدُهَا وَلَا يُمْكِنُوا أَن تُحْدَثْ بِدُنْ مُحْدِثْ. Nous, on voit les choses, les faits, les événements qui se produisent, on les voit. Et il n'est pas possible qu'ils se produisent sans chose qu'ils aient provoquée. وَلَا أَن تُحْدَثْ نَفْسُهَا بِنَفْسِهَا. Il n'est pas possible qu'elle se provoque par elle-même. لِكُلِ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ خُلِكُمْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Ont-ils été créés à partir de rien, ou alors ils sont eux-mêmes les créateurs? Surat Tour, verset 35. فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لَهَا خَالِقْ وَاجِبُ الْوُجُودِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى فَفِي الْوُجُودِ إِذَنْ مَوْجُودًا. Afwan. Donc il dit quoi? Donc là, ça implique que ces choses-là sont un créateur. D'accord? Les choses présentes ont forcément une chose présente qui les a mis en place. Et cette présence, elle est obligatoire. Donc, qui est-il? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela implique deux existences. Comme il le cite. Ahaduhuma azali wajib al-wujud binafsihi. Première existence qui peut s'exister, c'est celle qui n'a pas de début. Et dont la présence est obligatoire. Et cette présence se fait par elle-même. C'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien d'autre pour être présent. Ça revient à qui, ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième forme d'existence, celle qui est subvenue, c'est-à-dire qu'elle a un début, dont la présence n'est pas obligatoire, c'est possible qu'elle existe, tout comme c'est possible qu'elle n'existe pas, qu'elle est présente par autre qu'elle, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'autre chose pour être présente, Et donc de là, on dit que le fait que les deux, on le nomme présence ou existence, n'implique pas une ressemblance. Chacun a ses spécificités. On a la présence qui est obligatoire, sans début, qui a ses propres spécificités, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On a l'existence qui est possible, elle, car il se peut que tu existes, il se peut que tu n'existes pas. Ta présence n'est pas indispensable, alors que la présence d'Allah, elle est indispensable. Et toi, dans ton existence, tu as tes choses qui te sont spécifiques. Ça, on l'appelle présent existant, et ça également. Mais ils ne sont pas pareils. Après, là, il y a une partie qui répond, je ne peux pas te dire, te l'expliquer, ni te la traduire. Donc, on passe au paragraphe en dessous, à Salis. Donc, là, avec ce que je viens de dire là, est-ce que tu arrives à voir un peu où est-ce qu'on peut aller? Donc, voilà. Donc, il est parti, en fait, là-dedans, pour leur répondre à ces gens-là, aux gens de la falsafa, de la philosophie. Et, des fois même, la chouboua, tu ne la comprends même pas. Tellement c'est une chose, c'est l'absurde. Donc, si j'ai rien compris ce que tu m'as dit, comment je vais te répondre? T'es parti tellement loin que j'ai pas suivi. T'as des gens qui sont comme ça, tu vois. Et ben, eux, ils ont fait ça, fi haqqillahi azza wa jal. Sauf que Shir Islam, de sa couva, il a pu leur répondre. Et Shir Islam est parti dans leur istilah à eux, dans leur terminologie à eux, pour leur répondre avec ce dont ils se servent pour pouvoir égarer les gens. Et c'est pas tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir comprendre ce qu'il va dire et de rentrer avec là-dedans. Des gens se sont perdus même. Ils ont voulu répondre aux philosophes. Ils ont lu leur livre pour leur répondre. Ils sont noyés dans leurs égarements. Ils n'ont pas pu, par la suite, se débarrasser de leur chubouette et ils ont été attrapés. Ils ont été contaminés. Cheikh Issem, il est rentré dedans. D'accord? Il leur a répondu, il en est ressorti. Indemne. Cheikh Othaymine a réussi à retransmettre ses paroles. Moi, Khalil, j'y arrive pas. D'accord? Moi, Khalil, j'y arrive pas. Donc, on va passer ce passage-là. Peut-être deux personnes y arriveraient, tu vois. D'autres frères, Alhamdoulilah, moi, Farkoun, ils arriveraient. Moi, j'y arrive pas. La Thalith. Parmi les réponses qu'on leur donne. Anna inkarahum. الإثبات والنفي يستلزمون نفي الناقدين معا وهذا ممتنع لأن الناقدين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما بل لابد من وجود أحدهما وحده. Donc le fait qu'ils aient renié l'affirmation et la négation, cela amène à ce que ils aient renié des choses opposées et contraires. Une chose au contraire. Ensemble. Pas l'un des deux. Les deux ensemble, ils enlèvent. Alors on va dire, t'es ni vivant, t'es ni mort. Bah, on est quoi? Tu vois? Donc, répondre à ça, comment tu vas répondre à ça? À des choses pareilles. Même un chrétien, il n'est pas allé aussi loin. Même un juif, il n'a pas été aussi loin. Donc, ça, c'est impossible que tu renies les deux opposés ensemble. Car les deux opposés, on ne peut ni les rejoindre, les lier l'un avec l'autre, ni les supprimer tous les deux, mais on est obligé d'affirmer l'un des deux. فَيَلْزَمُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمْ تَشْبِيهُ اللَّهِ بِالْمُمْتَنِعَاتِ لِأَنَّهُمْ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ لَا مَوْجُودًا وَلَا مَعْدُومًا وَلَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا إِلَى أَمْرٍ يَقْدِرُهُ الذِّهْنُ. Donc ça veut dire qu'ils ont fait ressembler à Allah une chose qui est impossible. Une chose qui est inadmissible, qui n'est pas possible. D'accord? Car il n'est pas possible qu'une chose soit existante ou qu'elle soit un néant. Qu'elle soit vivante et qu'elle soit ni vivante ni morte. Ou alors, une chose que tu ne pourrais que toi te façonner dans ton esprit. À toi, dans ta tête, à toi. Pas plus loin que ça. Qui n'a aucune réalité. Wa wasfu Allah subhanahu wa ta'ala bihada ma'akouni mukhalifan li badahati l'ukul kufrun salihun bima jabi al-rusul ou al-rasul. Donc le fait de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le fait de décrire Allah de la sorte, il y a une façon fictive dans ta tête à toi, alors que son existence, son être s'oppose à cela, bah c'est ma'alouf, ce que tu as dans ton intuition, c'est-à-dire ton intuition humaine, ta nature première, elle est contrainte à croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala selon ta raison. D'une part. Donc ta raison est basée sur les choses que tu vois. Ta raison est des choses qu'elle conçoit, des choses qu'elle ne conçoit pas. Des choses qui sont possibles, des choses qui sont impossibles. Et eux, ils sont partis ils ont même dépassé l'impossible. C'est-à-dire ils ont conçu Allah dans leur esprit, de façon que même toi, ta raison, rend impossible. D'accord ? Donc là, concevoir Allah de cette façon-là, c'est du kufr pur. C'est ça qu'il veut dire par là. Et une opposition totale à ce avec quoi est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il a bien dit au début, attention, c'est les philosophes. Les philosophes, après, ils vont très très loin. Très très loin. Si tu les suis, ils vont te perdre. C'est pour ça que des fois, répondre aux philosophes, c'est des réponses, elles sont très compliquées. Et des fois, il n'y a même pas de faïda à leur répondre. Tellement c'est absurde ce qu'ils disent. Et des fois, il y a des chouboîtes, méritent d'être répondues. Mimbeb, ils commentent le dire à l'aïm. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Fain quand à l'eau, maintenant ils vont toujours une chouboîte pour amplifier leur mal. Nafi en aqidain, ou nafi en aqidain, mumta'ni'un, ama kana qabilan lahuma. Ama ma'al, kana ghayl qabil lahuma, kel jammad, ou kel jammad, allazi la yakbalu al-ittisaf bisam wa samam, fainu yumkinu nafihima, fainu yumkinu nafihuma, ou nafihima, anhu fayukol leysa bisamir, والعصم. Donc si jamais eux te disent en effet qu'il n'est pas possible de renier deux opposés pour une chose qui accepte l'un des deux, qui est en mesure d'être décrite par l'un des deux, on est d'accord avec ça. Cependant, si jamais c'est une chose qui n'accepte ni l'un ni l'autre, on peut dire qu'elle n'a ni l'un ni l'autre en elle. Comme par exemple les objets. On dit un objet, ni il est sourd, on va dire, ni il entend. Un objet, il est ni asam, ni samia. Tu vois comment ils vont encore plus loin. Il dit, on répond à ça de quatre points. Nous, on prend seulement certains, pas tout ce qu'il y a. Pareil, il y a des points dedans. Je n'ai pas réussi. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Ala al-asaf. Ma wufiktu fi dhalik. Al-wajhu al-awwal. Anna hadha la yasah fi maqaluhu. Min nafi al-wujud wa la'adam. Fa inna taqabalahuma taqabul salb wa ijab bi ittifaq al-uqala. فإذا انتفى أحدهما لازم ثبوت الآخر. فإذا يقيل ليس بموجود لازم أن يكون معدوما. On a dit ça, tu dis également, ce n'est pas accepté, ce n'est pas possible. Car si jamais tu n'acceptes pas une chose, c'est que tu la refuses. On peut nous dire que tu n'acceptes pas, tu la refuses pas. Si tu n'acceptes pas une chose, c'est que tu la refuses. Donc le nafi, tu seras obligé de l'affirmer. Ou tu vas affirmer l'isbat, ou tu vas affirmer le nafi. Tu veux dire, cette chose-là, soit elle est possible dans cette chose, par exemple, je ne sais pas moi, un objet, ou une chose quelconque. Tu veux dire, soit cette chose-là, tu affirmes la chose qu'elle accepte, ou soit elle ne l'est pas, tu vas la refuser. Tu ne peux ni dire qu'elle n'accepte pas, ni elle le refuse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu dis qu'une chose n'existe pas, c'est forcément qu'elle est absente. Tu dis, Foulain, il n'est pas présent, c'est qu'il est absent. Tu ne peux pas dire qu'il est ni présent ni absent, ce n'est pas possible. وملكه كل استلاحي لا يغير الحقائق مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعوا السحرة. Donc quand Allah parle par rapport aux objets, aux choses inanimées, qu'on accepte, qu'on ne peut leur attribuer le fait d'être vivante, le fait de leur attribuer ni la vie ni la mort, le fait d'être aveugle, ni la vision, ni l'ouïe, ni qu'elle soit sourde. Ça, c'est une chose dans leur estilaire, terminologie, qui ne change pas les réalités. Et sont les rejetés. Pourquoi? Car on a des adillets que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu des choses inanimées, animées. Exemple de quoi? Du bâton de Moussa alayhi salam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait un serpent qui a mangé tout ce qu'avait tenté de faire les sorciers de Pharaon. وقد وصف الله تعالى الجماد بانه ميت في كل الله عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون اين يبعثون. Que Allah il a décrit des choses justement inanimées qu'elles sont mortes. Dans le sens où il dit, et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien du tout, mais ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non pas vivants. Sourate les abeilles, verset 20. Donc le shahid, amwaatun ghayru ahya. Ils sont morts et non pas vivants. Donc Allah a décrit les choses inanimées comme étant mortes. Donc comment toi tu viens, tu dis, on n'accepte ni la vie ni la mort. Ça contredit l'adilla claire du verset du Coran. Et également que Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé que la terre yawm al-qiyamah va informer de tout ce qui a agi sur, de tout ce qui a été, de tous les événements qui sont produits sur elle, sur sa surface, comme bien et comme mal. Donc qu'est-ce que cela implique? Qu'elle a entendu et qu'elle a vu. Maintenant, est-ce que nous, on conçoit comment elle a vu et elle a entendu? Non. Mais la terre voit et entend. Du fait que Yom Al-Qiyamah, elle va témoigner. Tout comme nos membres, ils vont témoigner Yom Al-Qiyamah. Et ils vont parler. Dire des choses qu'on a fait. Témoigner contre nous. Même ça, ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a décrites. Donc leur façon de penser, elle n'est pas acceptée. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Wajh thalith, c'est le dernier qu'on va prendre dans leur réponse. Il est ala le wadih. Anna alladhi yaqbal al-ittisaf bil kamal akmal min alladhi la yaqbaluhu. Que celui qui est en mesure d'être décrit d'un attribut de perfection est meilleur, on va dire plus parfait, que celui qui n'est pas en mesure d'être décrit de la sorte. Fama yuqbal an yusaf bil ilm wal qudra wal sam' wal basar walau kana khalian minhu akmal mimma la yuqbal dhalika. Donc une chose qui est en mesure d'être décrite par la science, par la capacité, par l'ouïe et par la vue, même si elle ne les a pas, mais cela peut lui être attribué, elle accepte ce descriptif à la base, est meilleur que celui qui ne peut être décrit de la sorte. Par exemple, tu vas comprendre. « Fakoulukum ana rab la yakbel an yuttasaf bidhalika yastarzim an yakun anqas min l'insan » القابل لذلك حيث شبهتموه بالجماد الذي اقبله. C'est-à-dire que pour vous, le Seigneur qui pour vous n'est pas en mesure d'être décrit par ces choses-là est plus bas que l'homme qui lui à la base est en mesure d'être décrit par ces choses-là. Du fait que vous avez fait ressembler Allah aux choses inanimées qui n'acceptent pas ces descriptifs. C'est-à-dire que l'être humain, on peut le décrire par la science, alors qu'il peut ne pas avoir de science. Mais il est conçu à accepter la science. Il est conçu pour voir. Parmi les hommes, tu as des aveugles. Mais à la base, l'être humain est conçu et décrit comme étant voyant, comme étant audient, comme étant quelqu'un qui parle. D'accord? Donc, est-ce qu'une chose qui ne peut recevoir ces choses-là, à la base, aslan, c'est lequel des deux qui est meilleur, qui est plus parfait? Mathalen, est-ce qu'on peut décrire ce livre comme ayant de la science? Non. Est-ce qu'on peut décrire, par exemple, un enfant, la nature, on va dire, la nature d'un enfant, comme ayant de la science? C'est possible. Est-ce que tout enfant a de la science, forcément? Non. L'enfant est apte à pouvoir avoir un savoir. Des choses, il peut les connaître, il peut les savoir. Lequel des deux est meilleur, le livre ou l'enfant? L'enfant. Donc là, on va te faire comprendre que pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en mesure d'être décrit par ces choses-là. Donc c'est-à-dire que dans votre raisonnement, l'homme est meilleur que lui. Parce que l'homme à la base est conçu pour recevoir ces choses-là. Même s'il les a pas en lui, forcément, mais il est conçu pour les recevoir. Et pour vous, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être décrit totalement de la sorte. Tu vois ce qu'ils veulent en venir? Que pour eux, il n'est pas possible que Allah soit à même d'être décrit de la sorte. Donc, dans le raisonnement, on va dire que l'homme, pour vous, est plus haut que Allah subhanahu wa ta'ala, car l'homme, lui, ces attributs-là, qui sont proches de la perfection, il peut les recevoir. Qu'il les ait ou pas, on dit qu'il est apte à les recevoir. Donc là, le muhim, pour voir comment ces gens sont partis loin, comme tu constates, il y a deux, trois choses qu'on n'a pas citées. Face à mon incapacité de le faire, Aham Shay, t'as compris qu'il y a des gens qui sont partis trop loin, qui ont dit que Allah, ni on affirme, ni on renie. Ni il est vivant, ni il est mort. Ni il est présent, ni il est absent. Ni il est savant, ni il est ignorant. Et à Kaza. Et ça s'appelle de la folie. Tout simplement. Cette façon de penser, ça s'appelle de la folie, de la démence. Et souvent, des gens comme ça. Donc eux, c'est les koufars, bilachek. Et ces gens-là, actuellement, là, sont des gens qui parlent comme ça, ce ne sont pas des musulmans. Des philosophes qui aiment la philosophie grecque, ce genre de choses, eux qui parlent comme ça. Un musulman ne parlera jamais comme ça. Ce n'est pas possible. Non. Faïla ouna, walhamdulillah.